cafard, que tu vois tout en noir. Laisse tout tomber, dis-toi qu'après tout, le bonheur est bien nous. On veut le trouver, on veut le trouver. On apprend chaque jour à refaire l'amour. On apprend chaque jour à refaire l'amour. Seul, non, tu ne l'es pas. Des milliers sont comme toi à la recherche d'un monde meilleur. Laisse donc aller ton cœur. Laisse-toi aimer, laisse-toi aimer. On apprend chaque jour à refaire l'amour. On apprend chaque jour à refaire l'amour. Après bien des années, les cœurs se sont séchés. Pauvres pétales, souvent dispersés. Comment les ramasser? Il faut leur dire, il faut leur dire. Qu'on apprend chaque jour à refaire l'amour. Qu'on apprend chaque jour à refaire l'amour. Le cafard, que tu vois tout en noir, laisse tout tomber. Dis-toi qu'après tout, le bonheur est bien nous. On veut le trouver.